Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. On n'a pas manqué de dire que la jeunesse de Monsieur Proust n'avait connu finalement que des déceptions amoureuses, et que, en raison de cela, il s'était détourné des femmes pour chercher d'autres amours. L'une des relations dont on s'est beaucoup servi, pour lui prêter des goûts qu'il écartait des femmes, c'est Albert Le Cusia, dont il a fait dans son roman un des modèles de Jupien et un tenancier de mauvaise maison pour hommes. Là, je peux en parler en connaissance de cause, car outre que M. Proust me parlait beaucoup de lui et me tenait au courant, j'ai vu moi-même Le Cusia. Je le dis tout de go, il ne me plaisait pas, et je ne le cachais pas à M. Proust. C'était un grand échalas de breton, blond, sans élégance, avec des yeux bleus, froids comme ceux d'un poisson, les yeux de son âme, et qui portait l'inquiétude de son métier dans le regard et sur le visage. Il avait quelque chose de traqué. Rien d'étonnant, il y avait constamment des descentes de police dans son établissement et il faisait souvent de la petite prison. Il avait débuté comme valet dans de grandes maisons russes, le comte Orlov, le prince Radzivill et chez d'autres. Il y avait subi de drôles d'expériences, d'après M. Proust. Il avait ouvert, vers 1915 ou 1916, une sorte de maison de passe pour hommes dans un petit hôtel particulier rue de l'Arcade. Toute l'affaire est que d'abord, a-t-on dit, M. Proust l'avait aidé à s'installer avec des meubles et de l'argent, et deuxièmement qu'il se rendait dans cet établissement. Bien que tout cela relève de méchants ragots de société, puisqu'on a dit, parlons-en. Il est vrai que M. Proust a fait cadeau de meubles à Le Cusia. Mais c'était bien avant la fameuse maison de la rue de l'Arcade. Je le tiens de M. Proust lui-même. Il ne faut pas oublier qu'avec les héritages de ses parents et de son grand-oncle Louis, il était surencombré de meubles. Non seulement la salle à manger de l'appartement en était pleine jusqu'au plafond, au point que pour la traverser, je devais suivre un chemin ouvert au milieu de ce mobilier comme en pleine forêt, mais il y en avait encore plein une remise dans la cour du 102 boulevard Haussmann. Et quand Le Cusia a expliqué à M. Proust qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter les meubles qui manquaient à l'installation de sa chambre personnelle dans son établissement de la rue Godeau de Mauroy, M. Proust lui a fait remettre la clé de la remise et dire qu'il pouvait choisir ce qu'il voulait. Je l'entends encore dans cette espèce de colère sourde et de peine qu'il avait lorsqu'il m'a parlé de son indignation le jour où il a découvert, rue de l'Arcade, l'usage que Le Cusia avait fait de ses meubles. J'en ai le souvenir d'autant plus net qu'il était encore tout chaud de sa visite la première fois qu'il m'en parla. Et j'ai bien senti qu'il ne le pardonnerait jamais à Albert. Enfin, s'il a donné de l'argent, ce n'était jamais énorme. C'était aussi comme pour boire, en paiement de renseignements qu'Albert lui apportait ou que M. Proust est parfois allé chercher lui-même dans son établissement. Et cela pour son livre. De toute façon, il suffisait de regarder Le Cusia une fois pour être certain qu'il ne faisait rien pour rien. Naturellement, les histoires que rapportait Le Cusia étaient un drôle de potage. Mais M. Proust ne m'en a jamais rien caché, tout comme il ne m'a jamais dissimulé qu'Albert avait lui-même des goûts très spéciaux, que ce fût de nature ou à cause de ses expériences passées. Il me citait les noms des gens qui hantaient la maison de la rue de l'Arcade. Il y avait dedans des hommes politiques et même des ministres, et Albert lui fournissait le détail de leurs vices. Lorsqu'il avait besoin de savoir quelque chose d'Albert, il le convoquait boulevard Haussmann. C'était en général après son café, en fin d'après-midi. Le Cusia restait très peu, juste le temps de m'avarder un petit moment. Il était toujours pressé de regagner sa rue de l'Arcade. Ce qui est frappant, c'est que chaque fois que M. Proust s'y rendait, il m'en parlait sur le même ton que s'il était rentré d'une soirée chez le comte de Beaumont ou chez la comtesse Gréfulle. C'était le tableau de ce qu'il avait vu qui l'intéressait, rien d'autre. Quand je lui faisais remarquer, avec mon franc-parler, que je ne comprenais pas comment il pouvait recevoir Albert chez lui, ni encore moins aller là-bas, il me disait « Je sais, Céleste, vous n'imaginez pas comme cela m'embête et comme je n'aime pas cela. Mais je ne peux écrire les choses que telles qu'elles sont, et pour cela, il faut que je les voie. » Je me souviendrai toujours de la nuit où il est revenu, après avoir vu justement un spectacle dont il fait état dans son livre. Il est arrivé, le chapeau en bataille, comme quand il n'avait pas perdu son temps. Il m'a entraîné dans sa chambre et assis au coin de son lit, il m'a fait le récit. Ma chère Céleste, ce que j'ai vu ce soir est inimaginable. J'arrive de chez le Cusia, comme vous le savez. Il m'avait signalé qu'il y avait un homme qui se rend chez lui pour se faire flageller. J'ai assisté à toute la scène, d'une autre pièce, par une petite fenêtre dans le mur. C'est incroyable, je vous dis. J'en doutais, je voulais un contrôle, je l'ai. Il s'agit d'un gros industriel qui fait spécialement le voyage du nord de la France pour cela. Figurez-vous qu'il est là, dans une chambre, attaché à un mur par des chaînes cadenassées, et qu'une espèce de sale individu, ramassé on ne sait où, et qu'on paie pour cela, lui tape dessus à coups de fouet jusqu'à ce que le sang gicle de partout. Et c'est alors seulement que le malheureux a la jouissance de tous ses plaisirs. J'étais si écrasée d'horreur que je lui ai dit « Monsieur, ce n'est pas possible, ça ne peut pas exister. » « Mais si, Céleste, je ne l'ai pas inventé. » « Mais monsieur, comment avez-vous pu regarder ça ?»« Justement, Céleste, parce qu'on ne peut pas l'inventer. » Et comme je lui disais que le Cusia était un monstre à mes yeux, il m'a répondu « Chère Céleste, et lui qui vous vante tant. » L'autre jour, il m'a demandé en s'extasiant si c'était vous qui faisiez reluire ainsi mon plateau en argent. Il ne tarit pas d'éloges sur vous. Et moi, je n'ai rien à faire des compliments d'un monstre pareil. « Oui, m'a-t-il dit, c'est vrai. » Et pourtant, il faut que vous sachiez une chose, tout aussi inimaginable venant de ce monstre, comme vous l'appelez. Il a adoré sa mère, et il a fait énormément pour qu'elle ait une vie heureuse. Elle est morte. Quand je l'ai appris, je lui ai envoyé un banal petit mot. « Eh bien, savez-vous, Céleste ?» En réponse, il m'a adressé une longue lettre où il parlait d'elle en termes qui m'ont profondément touchée. C'est même peut-être une des plus belles lettres que j'ai lues sur la mort d'une mère. Ce qui prouve, voyez-vous, qu'il a tout de même une sorte de cœur, malgré son vilain métier. Finalement, c'est un pauvre garçon. Toujours est-il que nous avons parlé de l'horrible scène de la flagellation pendant des heures cette nuit-là. Moi, écrasé, comme je l'ai dit, et lui, répétant, comme pour ne rien oublier, et, à sa manière, pensant certainement déjà tout haut à sa rédaction. C'était Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafont.